s'est coupé en deux. Et pourtant moi je vis encore. L'une qui me fait plein de doux yeux, et l'autre qui s'ennuie et s'endort. Pourquoi s'est-elle trouvée de sœur, alors que moi je n'ai qu'un cœur? Mon âme s'est coupée en deux, et elle met de l'embrouille dans mon corps. L'une qui me dit qu'elle me veut, et l'autre la se plaît haut et fort. Pourquoi ramener une autre sœur, alors que moi je n'ai qu'un cœur? Que vais-je devenir alors? L'une qui me veut tout heureux, et l'autre, elle m'en veut à mort. Peut-elle vraiment garder deux sœurs, alors que moi je n'ai qu'un cœur? Il faudra qu'elle choisisse un jour, car moi je ne veux qu'un seul amour.